إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons un nouveau cours concernant l'ouvrage Kun Salafiyan ala al-Jadda du Cheikh Abd al-Salam al-Suhaymi hafizahullah ta'ala. Et nous sommes arrivés au chapitre numéro 7 dans lequel il nous dit hafizahullah طريق الخلاص والنجاة هو بالاتباع وترك وترك البدع. Donc la voie qui mène à la sauvegarde ou à la réussite, c'est dans le suivi et le délaissement de l'innovation. قال شيخ الإسلام في كتاب العبودية. Donc شيخ الإسلام Ibn Taymiyyah, rahimahullah, tellement que ce surnom lui a été collé, que lorsqu'on dit après lui, lorsqu'on dit Cheikh al-Islam, sans citer le nom, il est voulu par là Ibn Taymiyyah. Sauf si c'est dans un ouvrage où on parle d'un savant bien précis et que son nom a déjà été cité et que l'auteur ne le cite pas, mais on sait que de qui on parle. Comme par exemple, dans certains ouvrages, lorsque les ulama parlent de Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, après l'avoir cité. Mais sinon, lorsqu'on dit « Qala Cheikh al-Islam » comme ça, celui qui est voulu, c'est Ibn Taymiyyah, rahimahullah. C'est comme lorsque les ulama disent « Qala al-Hafiz » des Huffaz. Dans le domaine du hadith, il y en a beaucoup. Mais ils ont pris cette habitude que lorsqu'ils disent « Al-Hafiz » sans citer son nom, il est voulu par là Ibn Hajar al-Asqalani, sahib Fath al-Bari, bisharh sahih al-Bukhari, rahimahullah. Tayyib, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit dans son ouvrage Al-Ubudiyya, la servitude, ou l'action d'être, le fait d'être en adoration, il dit Wajima'u al-Din aslan, alla na'buda illa Allah. Donc, ce qui réunit la religion, les deux termes qui viendront à englober toute la religion, sur quoi tourne la religion, ces deux fondements qui sont, nous ne devons d'adorer que Allah seul et on ne l'adore que parce qu'il a légiféré. Voilà les deux fondements sur lesquels est basée la religion musulmane. On adore que notre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne l'adore que par sa législation, subhanahu wa ta'ala. La na'buduhu bil bid'ah. On n'adore pas Allah tabaraka wa ta'ala avec les innovations. Comme qala ta'ala, comme Allah, le Très-Haut nous le dit, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dans le sens du verset, que celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien, personne dans son adoration à son Seigneur. فقد أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن يكون العمل صالحا. Donc Allah, tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, nous ordonne d'accomplir des bonnes œuvres. Ay muwafiqan lis-sunnah. Une bonne œuvre. Il n'a pas dit seulement d'œuvrer ou d'accomplir des actions. Non. Des bonnes œuvres. Des bonnes actions. C'est-à-dire en conformité avec la sunnah. Pour que ce soit une bonne œuvre, il faut la conformité avec la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. ثم امر ان يخلصه صاحبه لله. Puis Allah lui ordonne juste après la demande d'accomplir des bonnes actions, c'est-à-dire en conformité avec la sunna, juste après il lui ordonne la sincérité à celui qui agit, à celui qui accomplit ses œuvres bonnes, il se doit d'être sincère. Donc l'action est accomplie sincèrement pour Allah, tabaraka wa ta'ala, et elle est en conformité avec la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et là, on rejoint cette règle de base, comme a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'il y a deux fondements sur lesquels est fondé l'islam, qu'on n'adore que Allah seul et qu'on ne l'adore que parce qu'il a légiféré. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره الحافظ المفسر الشيخ ابن كثير رحمه الله un des élèves d'Ibn Taymiyyah رحمه الله il dit dans son tafsir وهذان ركن العمل المتقبل et voilà les deux piliers de l'action qui est acceptée. Dans ce verset, en expliquant ce verset, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ils disent, là on retrouve les deux piliers de l'action, de l'œuvre qui est acceptée. لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا لِلَّهِ صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Obligatoirement, il faudra que l'œuvre soit sincère pour Allah et qu'elle soit authentique, basée sur la législation du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. وقد روي مثل هذا عن القاضي عياض رحمه الله وغيره. Et cette explication de ce verset nous a aussi été rapportée d'après Al-Qadi Iyad, le grand savant malikite du Maghreb, رحمه الله تعالى, et bien d'autres savants. ومما تقدم يتبين أنه لا بد لصحة أي عمل نريد أن نتقرب إلى الله من شرطين أساسيين ولا بد من وجودهما مجتمعين ولا ينفك أحدهما عن الآخر. Et d'après ce qui a précédé, d'après ce qu'on vient de voir, il apparaît bien qu'il faut obligatoirement, pour qu'une œuvre, une action soit valide, soit authentique, avec laquelle nous voulons nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que cette œuvre, elle comporte deux conditions fondamentales. Et il faut ces deux conditions, il faut leur présence ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut séparer l'un de l'autre. Et ces deux conditions fondamentales de validité sont, awalan, premièrement, ikhlasul ibadati lillahi wahda, que l'œuvre soit accompli sincèrement pour Allah, lui seul. Deuxièmement, et de se dénuder, de délaisser tout suivi complet, si ce n'est pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le suivi qu'on doit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne le doit à aucune personne en dehors de lui. Beaucoup diront, mais c'est simple, ça tout le monde le sait. Mais si tout le monde le sait, c'est grave. J'aurais préféré que certains disent « je ne le savais pas ». Parce que savoir et faire le contraire, dans la gravité, c'est encore plus. Taïeb. Alors, tous ceux qui le savent, est-ce qu'ils l'accomplissent? Est-ce qu'ils le mettent en pratique? Si c'était mis en pratique, on ne serait pas dans cette désunion, dans cette division, dans ces problèmes qu'il y a dans la communauté. Et si on voit tous les problèmes dans la communauté, et on voit cette division dans la communauté, c'est que ces deux conditions ne sont pas appliquées dans la communauté. Et regardez, chaque personne qui pratique, chaque tendance, idéologie, école de pensée, ce que vous voulez, et lorsqu'ils ont des problèmes, c'est dû aux deux conditions ou à l'une des deux conditions. Soit ils ont des œuvres qu'ils réservent ou qu'ils donnent à autre que Allah, ou qu'ils donnent à Allah et à autre avec Allah. Et ça, Allah ne l'accepte pas. Allah n'accepte que ce qui est sincère pour lui, subhanahu wa ta'ala. Ou soit ils ont des problèmes dans la deuxième condition. Ils innovent dans la religion. Ils font des œuvres qui sont contraires, en contradiction avec la législation du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils suivent d'un suivi complet, comme on le doit au prophète, des personnes en dehors du prophète, alayhi salatu wa sallam. Les problèmes, ils viennent. Donc, de dire que c'est aussi simple, c'est facile à le prononcer, mais dans la pratique, il y en a qui ont des problèmes là-dessus. Et là, on a la mise en pratique du premier pilier de l'islam, l'attestation de la ilaha illallah et l'attestation de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qala ta'ala fa'abudillaha mukhlisan lahu ad-din. Allah le Très-Haut dit, adore donc Allah sincèrement, lui rendant un culte exclusif. Wa qala ta'ala wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-dara al-akhirah wa la tansa naseebaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Et le Très-Haut nous dit dans le sens du verset, et choisis et préférence dans ce qu'Allah t'a octroyé, t'a donné la demeure de l'au-delà, et sans oublier ta part de ce bas monde, et sois bon comme Allah a été bon envers toi. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam fi al-hadith al-qudsi alladhi yarwihi 'an rabbih ana aghna ash-shuraka'a 'an ash-shuraka'i 'an ash-shirki faman 'amila 'amalan ashraka ma'i fihi ghayri taraktuhu wa shirkahu akhrajahu Muslim. Donc, dans ce hadith à thème divin, Qudsi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, il rapporte cela de son Seigneur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je suis celui qui a le moins besoin d'un associé, celui qui se passe le plus d'un associé, celui qui accomplit une action dans laquelle il a associé, je le délaisse et son association. Allah n'est nullement dans le besoin de cela. Allah n'accepte que ce qui est sincère pour lui. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. فَالْإِخْلَاصُ لَا يَتَأَتَّى ma'ashirk. Il ne peut y avoir de sincérité avec du polythéisme. Awriya, ou avec l'ostentation, qui est le polythéisme mineur. Ou iradatil insan bi'amalihi dunya, ou que la personne veut ou recherche de par son action un bien de ce bas monde. Wala budda an yakuna al-amil qad qasada bi'amalihi wajh Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu. Et il faut que la personne qui accomplit l'action ne recherche par là que la face d'Allah, glorifié soit-il et élevé soit-il, lui seul, sans rien lui associer. هذا بالنسبة لما يتعلق بالشرط الأول. Ceci concerne la première condition. Là, ce qu'on vient de voir comme texte concerne la première condition, qui est que l'œuvre soit accomplie sincèrement, rendue exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. وأما الشرط الثاني, et concernant la deuxième condition, فمعناه, son sens est أن يكون العمل الذي نتقرب به إلى الله موافقا لما شرعه الله في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في سننه. C'est que l'œuvre avec laquelle nous voulons nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal soit en conformité, en concordance avec ce qu'Allah a légiféré dans son livre, ou cela a été enseigné, légiféré par son messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah. Qala ta'ala, le Très-Haut nous dit: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et je vous ai comblé de mon bienfait et j'agré pour vous l'islam comme religion. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous informe, il informe son prophète sallam ainsi que tous les musulmans, à tout le monde, que la religion elle est parachevée. Qui a révélé la religion? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui a fait descendre le Coran? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui a envoyé Jibril à Muhammad alayhi salatu wa salam? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit, la religion, elle est parachevée. C'est simple à comprendre. Comment se fait-il qu'il y a autant d'innovateurs? Subhanallah. Comment se fait-il que des gens dans la pratique n'acceptent pas que la religion, elle est parachevée? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des bid'ah hasana alors que la religion, elle est parachevée? Mais remercie Allah d'avoir enlevé le voile, parce que celui qui a un voile devant lui, il ne voit pas le soleil même à 4 heures de l'après-midi. Celui qui il a des yeux, mais il ne voit pas avec. Il a des oreilles, mais il n'entend pas avec. Il est comme l'aveugle et le sourd. Wallahu al-musta'an. Allah il guide qui il veut et il égare qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui a été guidé, celui qui comprend et qui voit la clarté du soleil à 4 heures de l'après-midi, qu'il remercie le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Car si ce n'était Allah, on n'aurait pas été guidé. طيب. فقد أكمل الله لنا الدين قبل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. Donc Allah a complété, a parfait la religion pour nous avant que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم ne quitte ce bas monde, avant que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم ne rejoigne son Seigneur سبحانه وتعالى. Donc avant de quitter ce monde, le prophète alayhi salatu wassalam a transmis tout le message de son Seigneur. فَلَيْسَ هُوَ بِحَاجَةٍ إِلَى مَنْ يَزِيدُ وَيَنْقُصْ فِيهِ. Donc cette religion n'est nullement dans le besoin qu'une personne vienne pour rajouter ou enlever. Et le fait de dire, mais chez nous les chrétiens, chez eux, les prêtres, les curés, leurs savants, hein, ils ont adapté la religion à l'époque. Les juifs, ils l'ont fait. Les, ils l'ont fait. Ben, ils manquent plus que vous. Eux déjà, là-bas, c'est altéré. Et ils s'amusent. Et c'est encore une preuve comme quoi ils touchent à la religion. Subhanallah. On le savait déjà. Mais là, la preuve, elle est encore bien plus forte. Mais nous, on ne peut pas toucher. Parce qu'on n'est pas les maîtres de cette religion. La religion appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah a interdit d'altérer ou de rajouter ou d'enlever dans la religion. Et Allah a préservé le Coran et la révélation. Donc, ce n'est pas une question d'imiter telle religion, telle doctrine. Ce sont des doctrines et des religions fausses, altérées, dans lesquelles se retrouvent aujourd'hui des mensonges à l'encontre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et la religion véritable, l'islam, quoi que fassent certains, elle ne pourra jamais être changée. Et elle sera préservée par le Seigneur des mondes. Wa qad ja'at nususun kathiratun ta'muru bil ittiba'. Beaucoup de textes sont venus nous ordonner le suivi, c'est-à-dire le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa tuhadhdhir min al-ibtida' wa al-ihdath fi ad-din. Et ces textes, beaucoup de textes, nous mettent en garde, nous préviennent contre l'innovation ou d'inventer dans la religion. Qala ta'ala, le Très-Haut nous dit: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Dans le sens du verset, et certainement, il vous a été donné dans le messager d'Allah un très bon exemple à suivre, à prendre pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui se rappelle beaucoup d'Allah. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Et le Très-Haut nous dit dans le sens du verset: et ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous ordonne, accomplissez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Et le Très-Haut nous dit, dans le sens du verset, dit ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vraiment, réellement, vous aimez Allah, alors suivez-moi. Suivez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous aimera. Wa min as-sunnah. Et dans la sunnah comme texte, on a ahadith kathira, beaucoup de hadith. Minha, parmi lesquels, قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ce hadith, on l'a déjà vu dans les cours précédents, dans lequel le prophète sallam dit: alors attachez-vous, cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés qui viennent après moi. Mordez-la à pleines dents et attention à toute nouveauté en religion, car toute nouveauté en religion est une innovation, toute innovation est un égarement et tout égarement est dans le feu. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam taraktu fikum ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapportée par l'imam Malik rahimahullah dans le Muwatta, ainsi qu'Abu Daoud dans ses sunan et Ibn Majah dans ses sunan rahimahumullah, wa huwa hadithun sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai laissé entre vous deux choses. Jamais vous ne vous égarerez tant que vous y attachez. Le livre d'Allah et ma sunna. Donc toute la guidée est dedans. Toute la vérité, elle est dedans. La lumière, elle se retrouve dedans. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Et la parole du prophète sallam, qui est rapportée par Al-Bukhari et Muslim rahimahumallah dans leurs deux authentiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre enseignement est à rejeter. وقد امر الله سبحانه وتعالى الامه بالاجتماع. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la communauté de s'unir. واتحاد الكلمه, et de parler d'une même parole, unis dans leur rang et dans leur parole. على ان يكون الاساس لهذا الاجتماع هو الاعتصام بالكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Et que la base même dont découle leur unité, c'est l'attachement au livre d'Allah et à la sunna de son messager صلى الله عليه وسلم. ونهى عن التفرق وبين خطورته على الأمة. Et il a interdit la division, le schisme, et il a clarifié ou démontré le danger de cette division pour la communauté. وليتحقق هذا الأمر فقد أمرنا بالتحاكم إلى كتاب الله في الأصول والفروع ونهينا عن كل سبب يؤدي إلى التفرق. Et pour atteindre cet objectif, il nous a ordonné de prendre comme juge, comme arbitre dans nos différends, que ce soit dans les fondements ou dans les branches de la religion, de retourner cela à la véritable balance, le véritable juge dans ces différends, au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il nous a interdit de tomber dans une quelconque cause ou raison qui amène à la division. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Allah le Très-Haut nous dit: et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. وحبل الله, et le câble d'Allah, c'est هو عهد الله, c'est l'engagement d'Allah. وهو القرآن, et c'est le Coran, comme قال المفسرون, comme l'ont bien précisé, l'ont bien expliqué les exégètes du Coran. وقد امر الله بالجماعه, et Allah a ordonné qu'on reste groupé. ونهى عن الفرقه والاختلاف, et il nous a interdit la division et la divergence, comme قال تعالى, comme le Très-Haut nous le dit: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dans le sens du verset: et ce que le messager vous ordonne, accomplissez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. وَهَذَا شَامِلٌ لِأُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ. Et ceci englobe les fondements de la religion ainsi que ses branches. Et que ce soit des actions, cela concerne des actions externes ou internes. Wa inna ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yata'ayyan 'ala al-'ibad al-akhdh bihi wa ittiba'uhu. Et que tout ce qui nous provient du messager sallallahu alayhi wa sallam, pour chaque musulman, il en est concerné. C'est une obligation pour chaque personne parmi les serviteurs de le prendre et de le suivre. Et il n'est pas permis d'aller à son encontre. صلى الله عليه وسلم على حكم الشيء كنص الله تعالى. Et que le texte provenant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le jugement d'une chose est comme le texte qui nous provient d'Allah azza wa jal. La rukhsata li ahadin fi tarkih. Personne n'est excusable dans son délaissement. Wa la yajuzu taqdimu qawli ahadin ala qawli Allah. Et il n'est pas permis de faire passer la parole, l'opinion de quiconque sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. Dans le sens du verset, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et à son messager et ne vous détournez pas de lui alors que vous entendez. وقد أمرنا الله عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et Allah nous a ordonné lors de différends, lors de divergences, de faire retourner cela à son livre et à la sunna du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Dans le sens du verset, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez à son messager ainsi qu'à ceux qui possèdent le commandement, à ceux qui ont le commandement parmi vous. Et si vous venez à diverger sur quoi que ce soit, alors retournez-le à Allah et à son messager, si vraiment vous croyez en Allah et au jour dernier. Ceci est bien meilleur et de meilleure interprétation. Qala ibn Kathir, Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah, dit dans le tafsir de ce verset, Ati'u Allah, obéissez à Allah, fattabi'u kitabah, suivez son livre. Wa ati'u ar-rasul, et obéissez au messager, ay khudhu sunnatah, c'est-à-dire prenez sa sunnah. Ay ittabi'u sunnatah, c'est-à-dire suivez sa sunnah. Wa ulil al-amri minkum, et ceux qui ont le commandement parmi vous, ay fima amarukum bihi min ta'atillah la fi ma'siyatillah, c'est-à-dire obéissez aussi à ceux qui ont le commandement parmi vous lorsqu'ils vous ordonnent ce qui entre dans l'obéissance à Allah et non pas dans la désobéissance à Allah. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, car il n'y a pas d'obéissance pour une créature lorsque cela amène à la désobéissance du créateur. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul ay ila kitabillah wa sunnati rasulih. Et si vous divergez sur quoi que ce soit, alors faites-le retourner à Allah et à son messager, c'est-à-dire au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha amrun min Allah azza wa jal bi anna kull shay'in tanaza'a an-nas fihi min usul ad-din wa furu'ihi annahu yurad al-mutanaza' fihi ila al-kitab wa sunna. Et voilà un ordre qui nous provient d'Allah Azza wa Jal concernant toute question sur laquelle il y a divergence, que cette question fait partie des fondements ou des branches de la religion, on se doit de faire retourner ces questions dans lesquelles il y a la divergence vers le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. Comme Allah nous le dit bien dans le sens du verset, et là où vous divergez, alors sachez que son jugement, il est auprès d'Allah. فما حكم فيه الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. Donc la chose, le jugement qui a été donné par le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le livre et la sunna ont témoigné que sur cette question, voilà la véritable réponse authentique, voilà Aliou la vérité. Et qu'est-ce qu'il y a après la vérité si ce n'est l'égarement ? وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى. Et c'est pour cela que le Très-Haut dit إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vraiment vous croyez en Allah et au jour dernier, si vraiment vous avez la croyance en Allah et au jour dernier, comment pourriez-vous rejeter la parole d'Allah et de son prophète pour la parole d'une créature ? Ce n'est pas possible. Si vraiment vous avez la foi et que la preuve, elle est claire devant vous, vous allez vous y plier. Vous allez vous y soumettre. Qu'Allah nous préserve de tout égarement. Ay ruddu al-fasl fi al-khusumat wal-jahalat ila al-kitab was-sunnah. C'est-à-dire, faites retourner les différends et les différends qu'il y a dans les disputes et dans les questions ignorées. Vous êtes à la recherche de la vérité. Comment trouver cette vérité? Où se trouve cette vérité? Dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَمَنْ لَا يَرْجِعْ إِلَيْهَا فِي ذَٰلِكَ فَلَيْسَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَمِ الْآخِرِ. Et celui qui ne veut pas retourner à cette source, à cette véritable balance, celui-là ne croit pas en Allah et au jour dernier. S'il y croyait vraiment, il retournerait au livre d'Allah et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ قَدْ ذَمَّ التَّفَرُّقُ. Puis, sachez qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a réprimandé la division. وَنَهَا عَنِ الطُّرُقُ وَالْأَسْبَابِ الْمُؤَدِّيَ إِلَيْهِ. Et il nous a interdit tout chemin et toute cause qui amène à cette division. وَأَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْخُذْلَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ. وَأَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْخُذْلَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ. Et que cette division est l'une des plus grandes causes qui amène à l'avilissement dans ce bas monde et au châtiment dans l'au-delà. C'est-à-dire que cette division, elle va causer une faiblesse dans la communauté. La communauté ne sera pas respectée comme elle se le doit. Pourquoi ? Parce que les membres de cette communauté sont divisés. Les membres de cette communauté sont dans des différends et dans des divergences. Et bien plus pire, dans l'au-delà, c'est une des plus grandes causes du châtiment. Qu'Allah nous en préserve. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. Dans le sens du verset, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que l'épreuve leur soit parvenue, et les voilà ceux qui auront un châtiment grandiose le jour où des visages resplendiront et d'autres seront assombris. قال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. Donc ce grand compagnon, le cousin du prophète sallam, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit: resplendiront les visages des adeptes de la sunna et du consensus et du groupe, et seront assombris les visages des adeptes de l'innovation et de la division. Et cette parole, cette citation d'Ibn Abbas, elle est rapportée dans Sharh Usul al-Sunnah l'imam al-Lalakai rahimahullahu ta'ala. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Et le Très-Haut nous dit dans le sens du verset, certes, ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des partis, plusieurs tendances, tu ne fais partie d'aucun d'entre eux. Tu n'as rien à voir avec eux. Tu es innocent d'eux. Et leur sort est auprès d'Allah. Leur sort, il est auprès d'Allah. Puis, il leur montrera ce qu'ils ont accompli. Il les informera de ce qu'ils ont accompli, de ce qu'ils ont fait. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Ala inna man kana qablakum min ahli al-kitab. افترقوا على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. Dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed wa Abu Daoud et d'autres, le prophète sallam a dit: et sachez que ceux qui vous ont précédés parmi les gens du livre, ils se sont divisés en 72 tendances. Et cette communauté, la communauté musulmane du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, va se diviser en 73 tendances. 72 sont dans le feu. Et une seule est au paradis, et c'est le groupe. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على 73 فرقة 72 في النار وواحدة في الجنة. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous informe de la division de sa communauté en 73 groupes. 72 sont dans le feu et un seul est au paradis. والتي في الجنة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. Et le groupe qui sera au paradis, c'est celui sur lequel a dit le prophète صلى الله عليه وسلم, ce sont ceux qui sont sur le même chemin que moi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Et parmi les causes de la destruction des peuples qui nous ont précédés, parmi les causes qui a amené à la perte, à la destruction des peuples qui nous ont précédés, c'est la division et de trop diverger. La division est de trop diverger, d'avoir trop de différents. La siyama al-ikhtilaf fil kitab al-munazzali alayhim. Surtout la divergence, les différents concernant leur livre qui leur a été révélé. De diverger sur le livre qui est une lumière qui leur parvient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une révélation. Ils ont trop de divergences là-dessus. وَقَدْ حَذَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ. Et le messager d'Allah, صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, nous a mis en garde contre cela. فَقَالَ, et il nous dit, ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Et ce hadith, il est muttafaq alayh, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallam a dit, laissez-moi tant que je vous laisse, tant que je ne vous ai rien demandé, n'allez pas chercher. N'essayez pas de trop chercher, tant que je vous laisse. Car ce qui a amené à la perte ceux qui vous ont précédé, c'est de trop poser de questions. Hein? Souvent, vous verrez, hein, celui qui pose trop de questions, c'est souvent une personne qui est perturbée dans sa tête. C'est une personne qui est perdue. Il n'en finit pas. La personne normale, il pose une question lorsqu'il a besoin et il comprend le discours. Allah lui a facilité cela. L'autre, il n'en jamais, il ne se contente pas. Ça ne lui suffit pas. Et il a tout le temps des questions qui lui trottent. Qu'Allah, il nous préserve d'avoir ce genre de mots. C'est très grave. Et ça, c'est une des raisons qui amène à la perte. Et les peuples d'avant, ils avaient ce problème. Ils posaient trop de questions. Des questions parfois qui n'ont rien à voir avec les bonnes actions. C'est comme si on retrouve des gens qui se disputent, mais le bâton de Moussa, comment il était ? Subhanallah. Mais que tu saches comment il était ou tu ne le saches pas, est-ce que ça nuit à ta aqida ? Est-ce que ça nuit à ta religion ? Est-ce que lorsque tu vas savoir la réponse, tu vas avoir une action à accomplir ? Il y a des gens, vous les trouvez dans ça. Ashab al-Kahf, Allah, il aurait pu nous dire que ces jeunes, exactement, géographiquement, où est-ce qu'ils étaient ? Il y en a, où est-ce que c'était cette grotte ? Dans tel endroit ? C'est une connaissance de plus. Mais de là, s'attarder dessus. Exactement, leur nombre était de combien ? Allah lui dit, il y en a qui ont dit, c'était comme, le nombre était comme ça ou comme ça. C'est-à-dire, ne vous attardez pas sur ça. Ce n'est pas ça le but même. Et il y en a, ils en font un but. Subhanallah. Parfois, Allah ne nous donne pas beaucoup d'informations. Ce n'est pas grave. Le fait de ne pas savoir ça, ça ne nuit pas à ta religion. Et il y en a, ils s'attardent dans ça. Et leur propre aqida, il la néglige et il l'ignore. Wallahu al-musta'an. Tayyib. Les juifs, Allah, il leur a dit, il a dit à Moussa, demande-leur d'immoler une vache. Ben, les gens, normalement, intelligents, qu'est-ce qu'ils font ? La première vache qui leur tombe entre les mains, ils l'immolent. Ah non, non, ça ne nous suffit pas. On veut savoir la couleur, quel genre de vache que c'est, et ainsi de suite, quelle couleur, et ainsi de suite. Ils demandent. Ils se sont rendus la religion dure. À la base, elle est simple, facile. Mais c'est les gens qui rendent la religion dure. Et tu ne pourras pas battre la religion. C'est toi qui vas aller à ta perte. Et à la fin, ils ont failli ne pas trouver cette vache. Et l'homme qui l'avait, cette vache, avec ses descriptions, il leur a dit, vous la voulez ? Vous me donnez son poids en or. Voilà. Alors qu'ils auraient pu, la première vache, ça se trouve, il y en avait parmi eux qui l'avaient, ils auraient pu l'immoler tranquillement. Mais voilà où ça ramène de trop, chercher là où il n'y a pas à chercher. Taïeb. Donc le prophète, il dit, car ce qui a amené à la perte les peuples d'avant, c'est de trop questionner et leur divergence sur leur prophète. Lorsque je vous interdis une chose, abstenez-vous-en. Ça, c'est la règle. Il n'y a pas plus facile de ne pas agir. Voilà. Le problème, il est où ? C'est dans l'action. Mais de ne rien faire. Quelqu'un, ça, c'est interdit. Ouais, je vais arrêter tout doucement. Non, tu t'abstiens. L'alcool, c'est interdit. Non, mais avant, je buvais 5 verres, maintenant, j'en bois un. Non, tu t'arrêtes complètement. La cigarette, c'est interdit, j'arrête. Les drogues sont interdites, j'arrête. Si vraiment il y a de la foi, tu vas arrêter. C'est ça qui est demandé. Où est-ce que les gens pourraient avoir un problème ? C'est dans la pratique, dans l'action. Lorsque je vous interdis une chose, abstenez-vous-en. C'est ça la base. Et lorsque je vous ordonne une chose, accomplissez-la comme vous le pouvez. Parce que pour accomplir, il se peut que tu ne peux pas. Tu dois prier debout. Je ne peux pas prier debout. Bon, bah, tu pries assis. Je ne peux pas prier assis. Bon, bah, tu pries allongé. Tu dois jeûner. Je ne peux pas jeûner. Bon, bah, il t'est demandé de faire telle action à la place du jeûne pour expier. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est dans l'action qu'on fait face à des gens qui ne peuvent pas. Mais de s'abstenir, non. On s'arrête. Si vraiment il y a la foi qui est là, et vraiment on est conscient de la chose, on s'abstient directement. C'est interdit, je ne le fais pas. Il n'y a pas plus facile hein, de rien faire. Mais pour agir, c'est là où les gens, ce n'est pas tout le monde qui pourra agir. Donc là, le professeur me dit, et lorsque je vous ordonne une chose, accomplissez-la comme vous le pouvez. Wa inna tariq al-khalas min al-f. Wa inna tariq al-khalas. طيب, on va s'arrêter là, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.